croyant soviétique, président à Paris, cité KGB, a été trouvé mort étranglé dans son lit. On ne lui connaissait ni parents ni amis. En zone pacifique, le peuple est dans la rue, l'armée sous la terre. Les soldats répressants du général Katik ont pas ouvert le sud-est sans maître des mers. Salafeur, il y avait la donne à la cresson sans visage, ayant pu supporter son récent mariage. A mis fin à ses jours ce soir vers 20h. Quatre hommes dans son lit, un couteau dans son cœur. Salafeur, Mr. Fenimer, salafeur. Salafeur, Mr. Fenimer, salafeur. Queen's Outsex, c'est du quartier des irradiés. Un violent incendie vient juste d'éclater. La rumeur va bon train, on va jusqu'à prétendre que c'est l'État lui-même qui provoque ces.